بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام لهذا الدرس الخامس في دراسة كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Bienvenue chers frères pour ce cinquième cours dans l'étude du livre Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. Wa fi hadhihi al-layla nahtimu hadha al-bab bab fadl al-tawhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub. Et durant cette nuit, on va finir le chapitre concernant les mérites du tawhid et le fait qu'il expie, qu'il efface les péchés. قال المصنف رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك بك به. L'auteur il nous dit رحمه الله selon أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, selon le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, Moussa alayhi salam a dit, ô Seigneur, enseigne-moi quelque chose par lequel je ferai ton rappel et par lequel je t'invoquerai. Donc enseigne-moi une parole par laquelle je t'invoquerai et par laquelle je ferai ton rappel. Qul kul ya Moussa, la ilaha illallah. Et donc Allah qui répond à Moussa en disant, dis ô Moussa, la ilaha illallah. La parole de l'unicité, nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Alors Moussa alayhi salam qui dit, ya Rab, ya Rab, kullu ibadika yakuluna hadha. Alors Moussa donc qui répond à cela en disant, ô Seigneur, tous tes serviteurs disent cela. انتبه أيها الإخوة ليس المعنى هنا أن موسى يخفف من شأن هذه الكلمة. Attention les frères, cette parole ne signifie pas que Moussa il va diminuer les mérites de cette parole la ilaha illallah, comme certains ont pu le comprendre. ولكن المعنى أن موسى يريد كلمة خاصة به. La signification, c'est que Moussa, il veut une parole spécifique à lui. Il veut une parole qui lui soit propre à lui, que lui seul va invoquer Allah tabaraka wa ta'ala avec celle-ci. Parce que tous les serviteurs, ils disent la ilaha illallah. Alors Allah tabaraka wa ta'ala, qui répond en disant, Ya Moussa, لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. Et donc Allah il répond à Moussa en disant, ô Moussa, si les sept cieux ainsi que leurs habitants en dehors de moi, ainsi que les sept terres sont d'un côté d'une balance, sont d'un côté de la balance, et que la parole la ilaha illallah est placée de l'autre côté de la balance, alors celle-ci va pencher. Donc c'est-à-dire, la parole la ilaha illallah sera plus lourde que les sept cieux et que les sept terres et leurs habitants. Et donc ce hadith, l'auteur il nous dit, Rawahu ibn al-Hibban wa al-Hakim wa sahahahu. Et donc il nous dit, l'auteur rahimahullah, Rawahu, donc le hadith a été rapporté par ibn al-Hibban. Et donc Ibn Hibban dans son Sahih, ainsi que par Al-Hakim, qui le juge authentique. فهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم ومنهم الحاكم وابن حبان كما ذكره المصنف رحمه الله أو رحمهم الله. Et donc ce hadith, il a été jugé authentique par plusieurs parmi les gens de science, il y a parmi eux Al-Hakim, ainsi qu'Ibn Hibban, comme l'a cité l'auteur, qu'Allah leur fasse miséricorde. Wa kadhalika sahahahu Ibn Hajar, Il y a aussi le très savant Ibn Hajar, rahimahullah, qui a jugé ce hadith authentique. Wa kadhalika al-Dhahabi, rahimahullah. Il y a aussi l'imam al-Dhahabi qui a jugé ce hadith authentique. ولكن هذا الحديث في إسناده دراج ابن سمعان. Cependant, dans ce hadith, concrètement, dans la chaîne de transmission, il y a un rapport, il y a un rapporteur qui s'appelle دراج ابن سمعان. وهذا الراوي ضعيف. Et ce rapporteur, il est faible. Ce rapporteur, il est faible. لا سيما في روايته عن ابن الهيثم وهذا الحديث منه. Et donc, ce rapporteur, il est faible. Particulièrement quand il rapporte des ahadiths qu'il a pris de Abil Haytham. Alors là, vraiment, il est faible, ses narrations sont critiquées. Les ahadiths qu'il rapporte de Abul Haytham, les savants nous disent que ce sont des ahadiths qui vont s'opposer aux ahadiths qui sont authentiques. Et ce sont des ahadiths qui sont étranges. Donc il faut faire attention ici. Par rapport à cela, et cette narration, ce hadith qu'il nous rapporte ici, ce hadith qu'il nous rapporte ici, est un hadith qu'il a rapporté de Abul Haytham. Donc, concrètement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de savants qui ont aussi jugé ce hadith faible. Beaucoup de savants aussi qui ont jugé ce hadith faible. وَهَذَا الْحَدِيثِ إِذَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ضَعِيفِ لَكِنَّهُ يُفِيدِ أن التوحيد له فضل عظيم ويمكن أن تزن هذه الكلمة السماوات والأرض. Et donc ce hadith, il est faible. Cependant, il montre que le tawhid a énormément de mérite. Et que cette parole, la parole de l'unicité, la parole la ilaha illallah, peut être aussi lourde que les cieux et la terre. Et peut être plus lourde que les cieux et la terre. وبهذا قالت العلماء إن معنى الحديث صحيح. Et c'est pour cela que les savants ils nous disent le hadith il est faible, mais sa signification est correcte. C'est pour ça qu'on fait attention. Parfois il faut bien regarder les termes, les paroles que les savants prononcent. Ils peuvent nous dire le hadith il est faible, le hadith il est authentique, et parfois comme on a ici. Le hadith il est faible, mais la signification est correcte. وكذلك جاء بإسناد صحيح في مسند الإمام أحمد وكذلك في الأدب المفرد للبخاري أن نوحا أوصى ابنيه عند الموت. Et donc, il a aussi été rapporté avec une chaîne de transmission authentique dans le Musnad de l'Imam Ahmed ainsi que dans le livre l'Adab al-Mufrad de l'Bukhari. Le fait que Nuh a fait une recommandation à ses deux fils au moment de mourir. فَقَالَ أَمُرُكُمَا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ وَوُضِعَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي الْكِفَّةِ الْأُخْرَى كَانَتْ أرجح منهما الله أكبر. Et donc Nuh, il a recommandé à ses deux enfants avant la mort, il leur a fait une recommandation. Il leur a dit, je vous ordonne la ilaha illallah. Je vous ordonne cette parole, la ilaha illallah. Car les cieux et la terre, et ce qu'ils contiennent, s'ils sont placés d'un côté de la balance, et la ilaha illallah est placée de l'autre côté de la balance, alors celle-ci, c'est-à-dire la ilaha illallah, sera plus lourde que les deux, c'est-à-dire que les cieux et la terre. Subhanallah. Et donc ça nous montre, ô chers frères, les mérites et l'importance de cette parole. Ça nous montre l'importance de cette parole, ô chers frères. وَلِهَذَا قَالَتِ الْعُلَمَةِ إِنَّ أَفْضَلَ الْأَذْكَارِ La ilaha illallah. Et c'est pour ça que les ulama nous disent que le meilleur des paroles, le meilleur des rappels, la meilleure des paroles lorsqu'on fait le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est la parole La ilaha illallah. Wa qala ba'du ahli al-'ilm inna min al-juhal man ya'dilu 'an hadha adh-dhikr fayadhkuru الأذكار المحدثة التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة. Et certains savants, ils nous disent que il y a des gens qui vont délaisser ce grand rappel, ce rappel qui est le plus important, et ce rappel qui est le plus important, le plus grandiose, et qui vont donc le remplacer par d'autres paroles qui n'ont pas été citées dans le Coran ni dans la Sunna. Et ça, c'est terrible. C'est terrible, oh, chers frères, de délaisser cette parole grandiose, magnifique, qui est d'une aussi grande importance. La parole « La ilaha illallah ». وَكَذَلِكَ تَأَمَّلُوا أَيُّوَ الْإِخْوَةِ فِمَا يَفْعَلُهُ هَؤُلَا غُلَاتُ الصُّوفِيَّةِ. Méditez, oh, chers frères, sur ce que font donc les exagérateurs parmi les soufis. Lorsqu'on était venu en Martinique, lorsque j'étais venu en Martinique, la première fois à la mosquée de Fort-de-France, on avait abordé ce sujet. Roulette soufis, il y a les exagérateurs parmi les soufis. Quel rappel ils font? Quelle est la parole qu'ils utilisent pour faire leur rappel? Eux, ils disent Allah, Allah, Allah, Allah. فَيَذْكُرُونَ هَذَا اِخْتِصَارًا. Ils disent cela pour résumer La ilaha illallah. Et pour aller plus vite, pour faire plus de adhkar. Allah, Allah, Allah, Allah. فَقَالَتِ الْعُلَمَا إِنَّ هَذَا اللَّفْظ. Les savants nous disent que ce terme, le fait de dire ça, Allah, هَذَا لَيْسَ بِكَلَمْ. Cela n'est pas une parole. Dans la langue arabe, cela n'est pas une parole. لِأَنَّ الْكَلَمْ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ هو اللفظ المركب المفيد. Et donc, ils nous disent, les savants, que ce n'est pas une parole. Pourquoi? Parce que la parole dans la langue arabe, c'est un terme qui est composé de plusieurs mots et qui a un sens. C'est un terme qui est composé de plusieurs mots et qui a un sens. Ici, il y a le mot Allah. Quel est le sens? Et les savants nous disent « Al-kafir law qala Allah la yufiduhu shay'. » Ils nous disent « Le mécréant, s'il prononce la parole Allah, cela ne lui est d'aucun profit. » « Wa hadha yudhakkiruni bi qissatin hadathat amami lamma kuntu fi Misr. Iltaqaytu bi rajulin nasrani. Fa hadatha shay' wa hadha nasrani ta'ajjab. Fa qala Allahu akbar. » Et donc, cette histoire me rappelle justement une histoire que j'ai vue lorsque j'étais en Égypte. Il y avait un chrétien et il y a eu quelque chose qui s'est passé. Le chrétien, il fut étonné, il était choqué. Et donc, ce chrétien, c'est un arabophone. Et donc, lorsqu'il a vu cette chose et qu'il était étonné, il a dit « Allahu Akbar ». Et donc, j'étais étonné. Je me suis dit « Subhanallah, peut-être qu'il s'est converti ou... » Les frères, ils m'ont dit « Non, c'est ici, on est en Égypte. Il y a des chrétiens et les chrétiens aussi, ils disent « Allahu Akbar ». Les chrétiens aussi, ils disent Allahu Akbar, donc c'est pas étonnant. Parce qu'ils ont l'habitude de fréquenter des musulmans, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont compris le sens de cette parole et qu'ils l'affirment. Subhanallah. Et donc, que dire lorsqu'une personne nous dit Allah? Allah. Juste ça, Allah. Bel, zade ba'duhum ala dhalika, fayakulun hu, hu, hu. Il y a certains, ils font encore plus grave que ça. Certains parmi les exagérateurs chez les soufis, ils ne vont pas dire Allah, parce que c'est encore trop long. Il faut réduire encore plus. Ils vont dire « Hu, hu, hu, hu, hu ». Ibn Arabi, « Allafa kitaban, sammahu kitab al-hu ». Ibn Arabi, d'ailleurs, il a écrit un livre. Et ce livre, il l'a appelé « le livre de al-hu ». Ibn Arabi, donc, qui était dans un égarement profond concernant le tawhid. Il était dans un égarement profond. Il a défendu le polythéisme d'une façon gravissime. Et donc, ce livre, qui fait partie de ses écrits, qui était Belhou. Et donc, il est important, chers frères, qu'on accorde de l'importance à ce rappel, à cette parole. La ilaha illallah. Thumma, ذكر المؤلف رحمه الله, المصنف رحمه الله, الحديث الأخير, في هذا الباب. Ensuite, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il nous cite le dernier hadith dans ce chapitre. Il nous dit, rahmatullahi alayhi, Walid Tirmidhi wa hassanahu, an Anasin radiyallahu anhu kal, Sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yakul, قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Ensuite l'auteur رحمه الله il nous dit, selon At-Tirmidhi, donc rapporté par At-Tirmidhi dans son Jami', At-Tirmidhi qui a jugé ce hadith correct, selon Anas, radiallahu anhu, qui dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, Allah Ta'ala a dit, ô fils d'Adam, ô fils de Adam, si tu viens à moi avec donc un nombre de péchés qui est proche, un nombre de péchés qui est proche de la terre, de la grandeur, qui est comme la grandeur de la terre, un nombre de péchés qui est très proche de la grandeur de la terre. Alors, je viendrai à toi, hein? Non, excusez-moi. Si tu viens à moi avec un nombre de péchés qui est proche de la grandeur de la terre, mais que tu viens à moi sans m'accorder quelconque associé, tu ne fais pas de polythéisme. Alors, je viendrai à toi avec donc un pardon qui est proche de la grandeur de la terre. Je viendrai à toi avec un pardon, une marfira, qui est proche de la grandeur de la terre. فهذا الحديث أيها الإخوة واضح في كون التوحيد سببا لمغفرة الذنوب وإن كثرت. Et donc ce hadith, ô serviteur d'Allah, il est clair dans le fait que le tawhid, le monothéisme, est une cause de pardon des péchés, même si ceux-ci sont nombreux. Même si nous avons beaucoup de péchés, le tawhid est une cause qui va effacer les péchés. وَكُلُّنَا بِحَاجَةٍ إِلَى مَغْفِرَةِ ذُنُوبِنَا. Et nous avons tous besoin, oh chers frères, que nos péchés soient pardonnés. Qui d'entre nous ne fait pas de péché? Nous avons tous besoin que nos péchés soient pardonnés. وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَبَبًا عَظِيمًا لِمَغْفِرَتِهَا. Et Allah تَبَارَكَ وَتَعَالَى, il nous a montré une cause grandiose pour pardonner les péchés. فَعَلَيْنَا أَن نَتَعَلَّمْ مَا هُوَ التَّوْحِيد. Et donc, nous devons apprendre qu'est-ce que le tawhid, qu'est-ce que l'unicité, qu'est-ce que le monothéisme. وَهَذَا هُوَ الَّذِي سَنُحَاوِلُ فِعْلَهُ فِي هَذِهِ الدُّرُوسِ. Et c'est ce que nous allons essayer de faire durant ces cours. سَنُحَاوِلُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى أَن نَتَعَلَّمَ الشِّرْكَ وَالتَّوْحِيدَ بِالتَّفْصِيلِ. Nous allons essayer durant ces cours d'apprendre qu'est-ce que le shirk, qu'est-ce que le polythéisme, qu'est-ce que le tawhid, qu'est-ce que le monothéisme, et tout cela en détail. Inch'Allah ta'ala. Ça va être long. On va faire beaucoup de cours, Inch'Allah, parce que le livre, il est long. Mais c'est très profitable, bi'idhnillahi ta'ala. Ça va être très profitable pour tout le monde, Inch'Allah, afin qu'on puisse apprendre dans les détails qu'est-ce que le tawhid et qu'est-ce que le shirk. فهذا أمر مهم أيها الإخوة لأن التوحيد حماية. من تأمل في هذه الأحاديث التي قرأناها في الدروس الماضية واليوم يدرك أن التوحيد حماية. Et donc ces cours sont importants, mon cher frère, car le tawhid est une protection. Celui qui médite sur les ahadith, sur les versets qu'on a lus durant les cours précédents et aujourd'hui, celui qui médite sur tout cela, il comprend en fait que le tawhid, que le monothéisme, que l'unicité, c'est une protection. C'est une protection, on en a besoin. وَقَدْ قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْمِغْفَرُ مَا يُلْبَسُ لِحِمَايَةِ الرَّأْسِ. Les savants, ils nous disent, dans la langue arabe, le mot el-mirfar, ce mot qui nous rappelle el-marfira, c'est le pardon. El-mirfar, Dans la langue arabe, c'est ce qu'on met pour protéger la tête. C'est ce qu'on met pour protéger la tête. Ça s'appelle mirfar. Et donc, c'est une protection. Et nous disent, وَكَذَلِكَ الْمَغْفِرَةُ. Et aussi, elle marfira, le pardon. Himaya, c'est une protection. C'est une protection contre quoi? Himayatun min al-ukuba. C'est une protection contre le châtiment. Et donc, les chers frères, le tawhid, c'est une protection. On en a besoin. On en a besoin pour que cela soit une cause qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous protège de son châtiment et nous fasse bénéficier de ça, donc de son paradis. Son paradis qu'il a préparé pour les monothéistes purs. Il n'y a pas de mouchrik au paradis. Pas de polythéistes. Et donc nous devons apprendre qu'est-ce que le tawhid. Wabihada akmalna hadalbeb. Et c'est ainsi qu'on a fini ce chapitre. Wa al-usbu' al-qadim inshallah ta'ala. C'est Nabda Beb, man haqqaqa at-tawhid, dakhala al-jannata bighayri hisab. Et donc on a fini ce chapitre et inshallah ta'ala, la semaine prochaine, on va commencer un nouveau chapitre. Le chapitre, donc, citant les preuves, montrant que celui qui concrétise le tawhid, celui qui concrétise le tawhid, il rentre au paradis sans jugement. Allahu Akbar. Celui qui rentre au paradis concrétise le tawhid. Celui qui concrétise le tawhid rentre au paradis sans jugement. Mashallah. Ça aussi, c'est un sujet très important qu'on verra la semaine prochaine. Inch'Allah ta'ala, qu'Allah Azzawajal nous accorde à tous la réussite, qu'il nous place tous parmi les monothéistes jusqu'à notre mort. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayran.